Exode chapitre 36. Et Betseléel et Aholiab, et tous les hommes d'esprit auxquels l'Éternel avait donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire tout l'ouvrage du service du sanctuaire, firent selon toutes les choses que l'Éternel avait commandées. Moïse donc appela Betseléel et Aholiab, et tous les hommes d'esprit dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de la sagesse, et tous ceux qui furent émus en leur cœur de se présenter pour faire cet ouvrage, lesquels emportèrent de devant Moïse toute l'offrande que les enfants d'Israël avaient apportée pour faire l'ouvrage du service du sanctuaire. Or on apportait encore chaque matin quelque oblation volontaire, c'est pourquoi tous les hommes d'esprit qui faisaient tout l'ouvrage du sanctuaire vinrent chacun d'auprès l'ouvrage qu'ils faisaient, et parlèrent à Moïse, en disant, « Le peuple ne cesse d'apporter plus qu'il ne faut pour le service et pour l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Alors, par le commandement de Moïse, on fit crier dans le camp, « Paix, que ni homme, ni femme, ne fasse plus d'ouvrage pour l'offrande du sanctuaire, et ainsi on empêcha le peuple d'offrir. » Car ils avaient de l'étoffe suffisamment pour faire tout l'ouvrage, et il y en avait même de reste. Tous les hommes donc de plus grand esprit d'entre ceux qui faisaient l'ouvrage, firent le pavillon, savoir, 10 rouleaux de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, et ils les firent semer de chérubins, d'un ouvrage exquis. La longueur d'un rouleau était de 28 coudées, et la largeur du même rouleau de 4 coudées, tous les rouleaux avaient une même mesure. Et ils joignirent 5 rouleaux l'un à l'autre, et 5 autres rouleaux l'un à l'autre. Et ils firent des lacets de pourpre sur le bord d'un rouleau, savoir, au bord de celui qui était attaché, ils en firent ainsi au bord du dernier rouleau, dans l'assemblage de l'autre. Ils firent 50 lacets en un rouleau, et 50 lacets au bord du rouleau, qui était dans l'assemblage de l'autre, les lacets étant V, ils s'avissent l'un de l'autre. Puis on fit 50 crochets d'or, et on attacha les rouleaux l'un à l'autre avec les crochets, ainsi il fut fait un pavillon. Puis on fit des rouleaux de poils de chèvre, pour servir de tabernacle au-dessus du pavillon, on fit 11 de ces rouleaux. La longueur d'un rouleau était de 30 coudées, et la largeur du même rouleau de 4 coudées, et les 11 rouleaux étaient d'une même mesure. Et on assembla 5 de ces rouleaux à part, et 6 rouleaux à part. On fit aussi 50 lacets sur le bord de l'un des rouleaux, savoir, au dernier qui était attaché, et 50 lacets sur le bord de l'autre rouleau qui était attaché. On fit aussi 50 crochets d'airain pour attacher le tabernacle, afin qu'il n'y en eût qu'un. Puis on fit pour le tabernacle, une couverture de peau de mouton peinte en rouge, et une couverture de peau de tesson par-dessus. Et on fit pour le pavillon des ais de bois de sittim, qu'on fit tenir debout. La longueur d'un ais était de 10 coudées, et la largeur du même ais d'une coudée et demie. Il y avait 2 tenons à chaque ais, en façon d'échelon, l'un après l'autre, on fit la même chose à tous les ais du pavillon. On fit donc les ais pour le pavillon, savoir, 20 ais aux côtés qui regardaient directement vers le midi, et au-dessous des 20 ais on fit 40 soubassements d'argent, 2 soubassements sous un ais pour ses 2 tenons, et 2 soubassements sous l'autre ais pour ses 2 tenons. On fit aussi 20 ais à l'autre côté du pavillon, du côté du septentrion, et leurs 40 soubassements d'argent, 2 soubassements sous un ais, et 2 soubassements sous l'autre ais. Et pour le fond du pavillon, vers l'occident, on fit 6 ais. Et on fit 2 ais pour les encoignures du pavillon, aux deux côtés du fond, qui étaient égaux par le bas, et qui étaient joints et unis par le haut avec un anneau, on fit la même chose et 2 ais, qui étaient aux deux encoignures. Il y avait donc 8 ais, et 16 soubassements d'argent, savoir, 2 soubassements sous chaque ais. Puis on fit 5 barres de bois de sittim pour les ais de l'un des côtés du pavillon, et 5 barres pour les ais de l'autre côté du pavillon, et 5 barres pour les ais du pavillon pour le fond, vers le côté de l'occident, et on fit que la barre du milieu passait par le milieu des ais, depuis un bout jusqu'à l'autre. Et on couvrit d'or les ais, et on fit leurs anneaux d'or pour y faire passer les barres, et on couvrit d'or les barres. On fit aussi le voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors, on le fit d'ouvrage exquis, semé de chérubins. Et on lui fit 4 piliers de bois de sittim qu'on couvrit d'or, ayant leurs crochets d'or, et on fondit pour eux 4 soubassements d'argent. On fit aussi à l'entrée du tabernacle une tapisserie de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, d'ouvrage de broderie, et ses 5 piliers, avec leurs crochets, et on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs filets, mais leurs 5 soubassements étaient d'airain.